Voilà, nous allons ce matin aborder une série de paraboles qu'il aurait fallu évidemment beaucoup plus de temps pour étudier en profondeur. Mais ce sont des paraboles qui ont été groupées par Matthieu dans le dernier discours qu'il donne dans son évangile. Nous avons vu que l'évangile de Matthieu est articulé autour de 5 grands discours de Jésus. Matthieu a groupé les paroles de Jésus qui sont dispersées dans les évangiles synoptiques, dans une autre disposition. Il les a regroupées en 5 grands discours. Et le dernier discours, c'est le discours de Jésus sur la fin des temps. Discours qu'il a donné sur le mont des Oliviers lors de la dernière semaine qu'il a passée à Jérusalem. Ce discours, nous en avons 3 versions dans les 3 synoptiques qui reprennent aussi ce discours parce qu'il est essentiel, évidemment. Mais alors que les autres évangiles se bornent à apporter ce qui est l'enseignement de Jésus sur les circonstances de son retour, Matthieu ajoute un certain nombre de paraboles à ce discours et le but de toutes ces paraboles, elles ont un point commun. C'est une exhortation à la vigilance. Alors, nous allons lire la plus célèbre de ces paraboles, mais nous lirons une petite parabole qui précède dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 45, et ensuite nous lisons le 25 jusqu'au verset 13. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Toutes. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages vont dire, « Non, il n'aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur la parabole des vierges, mais cette parabole, elle est à lire aussi dans le contexte de la parabole précédente, la parabole du mauvais et du bon serviteur. Il nous aurait fallu aussi lire la parabole, les deux paraboles suivantes, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Elles ont le même thème et elles se recoupent les unes les autres et nous sont amenées à y faire un certain nombre d'allusions. La parabole des vierges est une parabole qui tourne autour de deux thèmes que nous avons déjà évoqués, le thème du festin dernier du festin eschatologique et le thème du mariage. Ce sont deux thèmes qui sont très importants et qu'on retrouve aussi dans les paraboles des sages en relation avec la venue du royaume, ça veut dire avec la venue du Messie. Et ce thème, il est directement lié à des 5 petits rouleaux que l'on trouve dans l'Écriture. 5 rouleaux, on appelle les 5 rouleaux, Megillot, on dit en hébreu, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, le livre d'Esther, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Lamentations de Jérémie. Et ces cinq petits rouleaux sont lus à l'occasion de cinq fêtes. La première de ces fêtes, c'est la fête de Pâques. Pâques, nous l'avons déjà vu, est une fête messianique par excellence, et jusqu'à ce jour dans le judaïsme, on croit que le Messie sera manifesté à l'époque de Pâques, ce qui fut le cas d'ailleurs, puisque c'est à Pâques que Jésus a accompli son sacrifice. Et à l'occasion de la fête de Pâques, on lit le Cantique des Cantiques, pour deux raisons. La première, parce que Pâques, c'est le commencement du printemps. Et le livre du Cantique des Cantiques décrit le très court printemps israélien, avec beaucoup de détails. La deuxième raison, c'est parce que on considère que la venue du Messie sera semblable à un mariage. Et le Cantique des Cantiques a été interprété déjà un peu avant l'époque de Jésus comme une parabole des épousailles du Messie, l'époux, et de l'épouse, c'est-à-dire Israël. Ce thème du mariage, nous l'avons déjà rencontré. Nous avons déjà vu que les rabbins considèrent que lors de la théophanie du Sinaï, Dieu a épousé Israël. Il y a eu l'alliance. Alliance, c'est aussi un mariage. Et par conséquent, il y a eu engagement réciproque. Dieu s'est engagé à n'avoir aucun autre peuple que le peuple d'Israël. Et il attendait de la part du peuple d'Israël que ce dernier n'ait aucun autre Dieu que lui. Dieu a fidèlement gardé sa part du contrat. Et de fait, Dieu n'a jamais eu d'autre peuple élu que le peuple d'Israël. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi de la part d'Israël. Et Israël, c'est un thème qui revient chez tous les prophètes, a été semblable à une épouse infidèle, une épouse adultère. Et malgré ses nombreuses infidélités, Dieu n'a pas cessé d'aimer son peuple. Dieu a toujours essayé de le ramener et de lui pardonner. Mais la tentation de l'idolâtrie, qui est considérée par les prophètes comme un adultère spirituel, la tentation de l'idolâtrie était tellement forte pour le peuple d'Israël que ce dernier, d'une manière systématique, retombait toujours dans ce même travers. Et dans le livre du prophète Osée, notamment, qui développe ce thème, arrive un moment où Dieu dit, c'est plus possible. Il n'y a rien à attendre d'Israël, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et rien. Israël reste toujours dans cette même disposition. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je n'ai aucune autre solution que d'infliger à Israël le sort des femmes infidèles, la répudiation. Et Dieu se résout à répudier Israël. Et cette répudiation, elle prend la forme de l'exil. L'exil, c'est Dieu en quelque sorte qui divorce d'Israël. Et Israël se trouve donc dans cette situation d'une femme répudiée. Et puis, quand il a accompli cet acte, Dieu réfléchit, dit, c'est pas possible, j'ai fait ça. D'abord, qu'est-ce que vont dire les autres nations? Ils vont dire, ces deux peuples qu'il avait épousés, Israël et Juda, Dieu les a rejetés. Ils ne sont plus le peuple de Dieu. Et puis deuxièmement, surtout, j'aime trop Israël pour me résoudre à me séparer d'elle. Bien qu'elle soit infidèle, je l'aime trop. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la ramener au désert. et là je parlerai à son cœur. Ça veut dire, là, Dieu va parler à son cœur, ça veut dire, je vais lui refaire la cour, on dirait aujourd'hui. Je vais regagner son amour. Et je vais la ramener dans cet état qui a été un temps idéal dans l'histoire du peuple d'Israël selon les prophètes, le temps des fiançailles. Ce temps des fiançailles, il est évoqué par le prophète Jérémie dans le chapitre 2, il nous est dit ceci, « Je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé dans le désert et que tu me suivais dans une terre inculte et aride. » Ça veut dire qu'à cette période idéale où Dieu a épousé Israël dans le désert, comme nous l'avons vu, Israël avait un tel amour pour son Dieu qu'il n'hésitait pas à le suivre dans des conditions inhospitalières, dans des conditions difficiles, dans les conditions du désert. Et pour regagner son amour, Dieu dit, eh bien, il va y avoir une deuxième démarche de la même nature. Un deuxième exode. Je vais la ramener au désert. Et là, à nouveau, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où elle est sortie d'Égypte. Et à la suite de ses fiançailles, Dieu va à nouveau se fiancer avec Israël. Et à la suite de cela, Dieu va l'épouser à nouveau. Il va y avoir un deuxième mariage. Une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, ça peut se comprendre aussi comme un deuxième mariage. Et à la suite de ce processus de fiançailles qui va à nouveau avoir lieu dans le désert, cette fois-ci le désert des peuples, c'est-à-dire la diaspora, Dieu va redonner à son peuple ce qu'il a perdu. D'abord, il va l'épouser à nouveau. Et ensuite, il nous est dit, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. Accor, ça veut dire le trouble en hébreu. La vallée du trouble se changera en Petah Tikva, une porte d'espérance. Et c'est alors qu'elle chantera comme au jour de sa jeunesse. Et là, ce sera un mariage qui ne sera plus jamais violé. Ce sera un mariage qui ne sera plus jamais rompu. Israël ne sera plus jamais infidèle. Et ça, ce sera justement la venue du royaume de Dieu. Donc, un mariage. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, on parlait du Messie comme de l'époux. Quand on parlait de l'époux, tout le monde comprenait que c'était du Messie qu'il s'agissait. Vous vous souvenez de cette délégation qui avait été envoyée par les pharisiens à Jean-Baptiste pour lui demander s'il était le Messie. Il dit « Non, je ne suis rien d'autre que l'ami de l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Mais l'ami de l'époux éprouve une très grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie, c'est la mienne, elle est parfaite. Il n'y avait pas besoin de détailler. L'époux, tout le monde comprenait de quoi il s'agissait. J'ai évoqué aussi cette parole de Jésus lorsque des disciples de Jean viennent lui reprocher de faire bombance alors que Jean-Baptiste jeûne. Et Jésus dira, les amis de l'époux peuvent-ils se jeûner alors que l'époux est avec eux? Là aussi, pour tous les auditeurs de Jésus, c'est parfaitement compréhensible. C'est une allusion au Cantique des Cantiques. Et notre parabole des Vierges est directement en relation avec le Cantique des Cantiques. Deuxième point, un repas. Le royaume des cieux est considéré comme un repas de noces, un repas de fête. Nous avons déjà rencontré cela aussi dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Il en viendra de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Ils se mettront à table avec Abraham et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Nous avons vu aussi le pauvre Lazare qui, à part au banquet eschatologique, lui qui n'a pas eu part au banquet de ce monde. Donc ce thème du repas est un thème récurrent dans les paraboles. Pourquoi le royaume des cieux est-il considéré comme un repas de fête? Parce que le repas, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Il y a toute une théologie du repas dans la Bible. Je ne peux pas entrer dans les détails ce matin, mais manger avec quelqu'un dans la Bible, c'est quelque chose de très important. manger avec quelqu'un, c'est témoigner une communion totale avec cette personne. Ça veut dire un plein accord. Et nous avons gardé un peu cette idée dans un mot qui est très prisé des jeunes notamment, le mot « copain ». Qu'est-ce que c'est que des copains ? Étymologiquement, ce sont des gens qui mangent le même pain. Et par conséquent, ils sont en plein accord, ils sont en pleine communion. Or, que se passe-t-il précisément si, entre deux personnes, entre deux copains qui ont mangé le même pain jusqu'alors, que se passe-t-il s'il y a un désaccord qui intervient entre eux ? Eh bien, il faut qu'ils arrêtent de manger ensemble jusqu'au moment où ils se sont réconciliés. Et cette coutume, elle existe encore aujourd'hui chez les Bédouins, en Orient. Et lorsque deux tribus ont eu un différend, et que ce différend a été réglé, les anciens de ces deux tribus se rencontrent, et ils mangent ensemble pour sceller la réconciliation. Le repas devient un repas de réconciliation. Alors je pourrais vous prendre un autre exemple aussi, dans les paraboles. C'est la parabole du fils prodigue que j'ai effleuré. Nous avons évoqué le fait que entre le père et le fils, il y a un grave différend, c'est évident. Quand le fils part avec ses biens en claquant la porte, c'est évidemment une insulte envers le père. Et ça, tous les habitants du village en sont conscients. Et puis, au terme de ce processus qui est évoqué par Jésus, le fils prodigue revient vers le Père, et le Père lui pardonne. Et ce pardon, cette réconciliation entre le Père et le Fils, va être scellée comment ? Par un repas. Le Père va tuer le veau gras. Avec un veau, on peut nourrir tout un village. Et ça veut dire que tout le village est invité à ce repas de fête. Et c'est un message que le Père adresse à tous les habitants du village. Ce message, c'est le suivant. Vous savez parfaitement que j'ai eu un problème avec mon fils. Mais je veux que vous sachiez que ce problème, il est définitivement réglé. On n'en parle plus. Et la preuve, c'est que nous mangeons ensemble. Par conséquent, cette affaire-là, elle est oubliée. Nous sommes réconciliés. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Pendant que l'on fait la fête, le fils aîné revient des champs. Et il se rend compte de ce qui se passe. Il interroge un serviteur, il dit « Mais c'est quoi ça ? C'est ton frère qui est rentré. » Et pour fêter ce retour, ton père a tué le veau gras. Et le fils aîné se met en colère. Il ne veut pas rentrer, il ne veut pas participer au repas, ça veut dire qu'il ne veut pas pardonner à son frère. Et le père est obligé de sortir pour l'inviter à rentrer. Et Jésus ne nous dit pas si finalement le fils aîné acceptera ou n'acceptera pas ce pardon. Mais toujours est-il qu'il y a cette invitation à le faire. J'évoquerai aussi très rapidement le psaume 23, sur lequel j'ai longuement prêché en Alsace cet an dernier. Il y a cette parole qui est difficilement compréhensible pour nos mentalités occidentales, où maintenant on est à l'ère du fast-food, où chacun prend son repas, comme aux États-Unis, quand il le veut, on va au réfrigérateur, on prend ce qu'on veut, et puis on mange tout seul sans s'occuper des autres, etc. C'est un peu aujourd'hui la tendance. Ça, dans une mentalité orientale, c'est impensable. Et David dit ceci dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire dressée en face de mes adversaires ? Commentaire des sages. David a eu beaucoup d'adversaires dans sa vie. Or, quel est l'homme qui est le plus grand dans ce monde ? Celui qui sait faire de ses ennemis ses amis. Or, David s'attendait à ce que Dieu le réconcilie avec ses adversaires. David n'était pas un homme assoiffé de sang. Il ne faisait la guerre qu'en dernier ressort. Et avant d'engager les hostilités, il faisait tout son possible pour se réconcilier avec ses adversaires. Et il disait, « Seigneur, je ne suis pas toujours capable de faire ce miracle. Mais toi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et là, tu me réconcilies autour de cette table avec mes adversaires parce que nous mangeons ensemble. » Et voilà, maintenant nous arrivons à cette idée, pourquoi le royaume des cieux est-il comparé à un repas? Parce qu'au temps de la faim, eh bien, Dieu dira à toutes ces créatures, aux anges, aux démons, « Vous voyez, j'ai eu un problème avec l'humanité depuis l'affaire du Jardin d'Éden. Nous avons été en conflit, nous avons été opposés, nous avons été ennemis même, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais maintenant, à cause du sacrifice de l'agneau de Dieu, du sacrifice de Pâques, c'est terminé cette affaire. On n'en parle plus. Nous sommes réconciliés. Il a fait la paix par le sang de la croix. Et par conséquent, tout ce contentieux est effacé. Et je ne veux plus en entendre parler. » C'est pourquoi l'état éternel est considéré comme un repas. Repas de noces, nous l'avons aussi évoqué, parce que la noce, c'est la joie. Et la venue du royaume, ce sera aussi la joie. Thème du festin de noces qu'on retrouve dans de nombreuses autres paraboles. Mais ici, notre parabole des vierges a une particularité. C'est qu'il n'est pas question de l'épouse. Il est question de 10 jeunes filles qui sont invitées à ce repas de noces. Qui sont ces jeunes filles, ces vierges? Là aussi, il nous faut nous rapporter au Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, il y a souvent des allusions qui sont faites à un ensemble de, disons, suivantes, demoiselles d'honneur, comme vous voudrez, de l'épouse, les filles de Jérusalem. Et l'auteur du Cantique s'adresse souvent à ces dernières en disant « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les biches des champs, etc., ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Et ces 10 jeunes filles, ces 10 vierges, ne sont rien d'autre que ce cœur des filles de Jérusalem. Nous sommes en plein dans un midrash, ça veut dire une explication, application du Cantique des Cantiques, dans cette parabole des 10 vierges. Autre problème, pourquoi y a-t-il 10 vierges? Pas 11, pas 9, pas 8, etc. Pourquoi 10? Eh bien là, à cause d'un thème que nous avons déjà rencontré dans les paraboles, le thème de la sagesse et de la folie. Et il nous est précisé dans cette parabole par Jésus que 5 de ces vierges sont sages et 5 sont folles. Et là, nous retrouvons la même chose dans la parabole précédente, le méchant et le bon serviteur. Quel est donc le serviteur prudent et avisé, piquéard, on dit en hébreu? Et par contre, à côté de ce serviteur prudent et avisé, nous avons un serviteur insensé et méchant qui n'a pas pris en compte le fait que son maître peut venir à tout moment. Et comme le maître tarde, et là nous retrouvons le thème que nous avons rencontré hier avec l'histoire du juge unique, l'idée du retard de la venue du royaume de Dieu, qui sera la plus grande épreuve pour les disciples de Jésus. C'était l'épreuve pour la pauvre veuve, et c'est l'épreuve aussi pour ses 2 serviteurs. Et en face de ce retard du maître, ces 2 serviteurs réagissent d'une manière totalement opposée. Le premier se dit, le maître tarde, mais il va revenir. Et je ne sais pas quand. Il ne faut pas que, s'il me surprend par son retour, cela tourne à ma honte et ma confusion. Et c'est une parole de sagesse. Il va se comporter sagement et il va veiller attentivement aux intérêts de son maître. Et de fait, quand son maître arrive, eh bien, le maître le félicite. Par contre, le serviteur insensé, il va réagir tout à fait à l'opposé. Puisque le maître tarde, je serais bien bête de ne pas en profiter. Alors, je vais manger, boire, faire la vie, comme on dirait aujourd'hui. Et le maître arrive au moment où il ne s'y attend pas, et il le trouve dans une situation qui tourne à sa confusion et à sa honte, contrairement à l'autre serviteur. Sagesse et folie. Et c'est le même thème qui est développé dans la parabole des vierges. Cinq sont prudentes, avisées, sages. Et elles prévoient ce retard en disant, mais s'il arrivait que l'époux tarde, vaut mieux prendre quelques précautions. Et il vaut mieux avoir une petite provision d'huile avec soi, parce qu'on ne sait jamais. Les folles ont agi, elles, à la légère. Elles n'ont pas imaginé un instant que le maître pouvait tarder, que l'époux pouvait tarder aussi longtemps. Alors elles n'ont pas pris ces précautions élémentaires. Elles sont folles. Et voyez-vous, ces jeunes filles, ce sont des femmes, et nous avons retrouvé le même thème dans le livre des Proverbes. Nous avons vu que le livre des Proverbes, le livre des paraboles, c'est son nom en hébreu, tourne autour de cette opposition entre sagesse et folie. Et ces deux principes, sagesse et folie, sont incarnés dans le livre des Proverbes par deux femmes. La sagesse est incarnée par la femme vertueuse du chapitre 31, qui prévoit. Elle prévoit ce qui se passera l'année prochaine, etc. Elle est sage dans son comportement. La folie est représentée par l'étrangère, la prostituée, la femme infidèle. Et nous retrouvons aussi ce même thème dans la parabole des vierges. 10 jeunes filles, dont 5 sont sages comme l'épouse vertueuse du chapitre 31 du livre des Proverbes, et 5 sont folles comme l'étrangère, la prostituée de ce même livre des Proverbes. Maintenant, pourquoi 10 ? Nous revenons à la question. Et là, il nous faut lire la parabole du chapitre 25, verset 31, la fameuse parabole des brebis et des boucs. Quelqu'un m'a posé la question à ce sujet, donc j'y réponds ce matin, ça m'évitera d'y répondre ce soir. Les brebis et les boucs nous parlent de la venue du royaume en gloire. Quand le Fils de l'homme viendra au dernier jour avec tous ses anges, et nous avons vu que selon Daniel 7, le Fils de l'homme, c'est le juge eschatologique, c'est le juge des derniers jours. Jésus viendra comme le juge. Jésus a évoqué le fait qu'avant cette venue de ce royaume en gloire, il y aurait de grands bouleversements dans le monde, de grands cataclysmes qui seraient le commencement des jugements. Et une grande partie de l'humanité disparaîtra dans ces cataclysmes. Mais tout le monde ne disparaîtra pas. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, nous dit cette parabole des brebis et des boucs, toutes les nations survivantes seront rassemblées devant lui. Et il y aura le grand tri. Ce tri que nous avons déjà rencontré, par exemple, avec Jean-Baptiste, quand il disait « il nettoiera son aire, il engrangera le blé dans les greniers, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas ». Ce grand tri, nous l'avons rencontré aussi dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous l'avons rencontré dans la parabole du filet, la séparation entre les poissons cachers et les poissons non cachers. Et là, cette séparation entre le bon grain et l'ivraie, entre poissons cachers et non cachers, prend une autre image dans cette parabole des brebis et des boucs, justement les brebis et les boucs. Alors ça, c'est tiré d'une scène à laquelle on peut encore assister de nos jours dans le désert de Juda. Dans les périodes de sécheresse, quand la végétation se fait rare, un berger responsable va avoir soin de l'écologie du désert. Et Tous ceux qui connaissent un petit peu l'élevage du petit bétail savent qu'il y a une grande différence entre les brebis et les chèvres. La brebis est un animal qui se contente de brouter ce qui est superficiel et il laisse les racines en terre. De telle manière que, quand une région a été pâturée, eh bien, si ce sont des brebis qui ont été à l'origine de ce pâturage, les plantes vont repousser. La chèvre, au contraire, elle mange tout, y compris les racines. Et elle laisse le désert derrière elle. Et si, après la destruction du temple en 70, le pays d'Israël est devenu un désert, comme le confirment tous les visiteurs qui sont allés dans le pays d'Israël jusqu'avant notre ère, eh bien c'est parce que le pays vide d'habitants a attiré des bédouins qui sont venus du désert avec des chèvres, et les chèvres ont laissé le désert derrière elles. C'est pourquoi un berger responsable, quand il y a un problème et qui risque justement de faire en sorte que la végétation ne repousse plus, eh bien, il empêche les chèvres de sortir au pâturage. Et on peut voir encore, à cette période qui est la pleine période de l'été, ces bergers qui séparent les brebis avec les chèvres qui sont en temps normal mélangés pour que seules les brebis aillent brouter. Et c'est cette scène-là qui nous est représentée dans cette parabole des brebis et des boucs. Et le Seigneur dit, il mettra les brebis à sa droite. La droite, c'est toujours le positif dans la Bible. Et les chèvres, les boucs, il les mettra à sa gauche. Droite, gauche. Main droite, main gauche. Combien y a-t-il de doigts dans notre main droite? 5. Combien dans notre main gauche? 5 et 5, ça fait 10. 10 vierges. 10 sages, les brebis à droite, et 10 folles, les chèvres à gauche. Pourquoi il y a 10 vierges? Parce que les deux paraboles, la parabole des vierges et la parabole des brebis et des boucs, elles ne font en fait qu'une seule et même parabole. Sagesse et folie. Les brebis ont été sages, et au contraire, les chèvres ont été folles. Et c'est pourquoi, au temps de la fin, il y aura le grand tri à ce sujet-là. Et par conséquent, comme nous l'avons vu dans les paraboles précédentes, la parabole du semeur et surtout la parabole du filet, toutes ces vierges, les folles et les sages, sont invitées au festin des noces. Ça veut dire que cette invitation s'adresse à tout être humain, les sages et les fous, les bons et les mauvais. Nous avons vu que c'est la marque de ce temps-ci, qui est un temps de grâce, où le royaume est offert à tout être humain, sans précondition. Chacun peut le recevoir. Mais quand on a répondu à cette invitation, ce qui est le cas de ces 10 vierges, il y a un autre obstacle à surmonter. Nous l'avons déjà rencontré, cet obstacle. C'est l'épreuve de l'attente. Et aussi bien dans la parabole du bon et du mauvais serviteur que dans la parabole des 10 vierges, et il nous faudrait aussi parler de la parabole des talents qui intervient entre les vierges et les brebis et les boucs, eh bien, l'époux tarde, comme le maître de maison tarde dans la parabole précédente. L'époux tardait. Jésus a averti qu'il y aurait un long temps, nous avons parlé hier, ce temps des nations, et qu'il durerait longtemps au point que, quand il reviendra, trouvera-t-il encore des gens qui l'attendront, qui auront suffisamment de foi pour attendre son retour, confère la parabole du juge unique que nous avons effleurée. Et à cause de ce retard, à cause de cette épreuve de l'attente, toutes les vierges s'endorment, les folles comme les sages. Aucune différence à ce niveau-là. Et à cause de ce retard et à cause de cet assoupissement, eh bien, les lampes s'éteignent, des unes comme des autres. Dans la parole de Dieu, le sommeil, l'assoupissement, c'est quelque chose de négatif en relation avec le retour de Jésus. Paul, quand il parle du retour de Jésus, exhorte ses lecteurs à ne pas dormir. « Ne dormons pas comme les autres », dira-t-il. Et on pourrait conclure, on conclut de ces avertissements de Paul, que l'assoupissement, c'est une attitude négative, c'est une attitude coupable. Dans la parabole des Vierges, ça n'est pas le cas. Elles s'endorment toutes parce que le sommeil les gagne du fait du retard de l'époux. Ça n'est pas un jugement ni sur les unes ni sur les autres. Mais le Seigneur veut souligner ici le fait que quand il viendra, il y aura peu de personnes qui seront véritablement prêtes à l'attendre. Et que ce sera une surprise pour tous, les sages comme les fous. Et cette idée d'une surprise du temps de la fin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de très, très nombreux textes bibliques. Et il y a une toute petite parabole que l'on retrouve. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur, quand il vient vous cambrioler, 8 jours avant, il ne vous envoie pas un petit mot en disant « J'ai l'honneur de vous faire savoir que je visiterai votre maison tel jour à telle heure. » Il ne fait pas ça, n'est-ce pas? J'ai eu la possibilité, il y a quelques années de cela, de correspondre avec un ancien pasteur de l'Église réformée qui avait reçu de la part du Yad Vashem la médaille des Justes des Nations. Justes des Nations, on va en parler dans un instant. Il avait sauvé de très nombreux Juifs pendant la guerre. Et il agissait de la manière suivante. Il allait cambrioler la nuit les commandantures allemandes pour voler des vrais papiers, pour faire des faux papiers pour les Juifs. Et il me disait, pour cela, j'ai dû apprendre toutes les techniques des cambrioleurs. Et comme tout cambrioleur qui se respecte, je sais qu'il y a une certaine heure de la nuit à laquelle il faut venir et on est sûr de trouver tout le monde assoupi. J'ai toujours respecté cette règle, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours trouvé les sentinelles allemandes tout endormies. Cette heure, me disait-il, je ne vous la dirai pas, parce que ça pourrait donner des idées à certains. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Vous retrouvez ça dans la bouche de Jésus. Vous retrouvez ça sous la plume de Paul et sous la plume de Pierre. Et comme le notait le professeur Flusser quand j'étais à Jérusalem, ça veut dire que c'était un des éléments essentiels du catéchisme élémentaire que l'on donnait aux nouveaux convertis à l'époque de l'Église ancienne. On les avertissait que le Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit, c'est ce qui veut dire que tout le monde sera surpris. Il viendra au moment où personne ne s'y attendra. Et c'est pourquoi ceux qui aujourd'hui nous annoncent le retour de Jésus pour le 15 septembre de cette année sont des faux docteurs et des faux prophètes. Parce que personne ne peut connaître ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est ce qui se passe pour nos 10 vierges ici. Comme les poux tardés, elles s'endorment toutes, comme ces sentinelles dont je parlais tout à l'heure, et au milieu de la nuit, au moment où plus personne ne s'y attend, le cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et ces 10 vierges qui s'étaient toutes endormies se réveillent toutes. Et c'est là qu'intervient le grand tri, la grande différence. Les unes sont prêtes parce qu'elles ont de l'huile de réserve, et les autres ne le sont pas. Et ces vierges folles, insensées, s'adressent aux sages en disant « Mais donnez-nous un peu de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. » Et les sages disent « Non, c'est pas possible, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Voyez-vous, les choses seront tellement dures dans les temps de la fin que chacun se sauvera soi-même. Et c'est personnel, c'est une relation personnelle. et celles qui sont prêtes, ça veut dire celles qui ont de l'huile, entrent dans la salle du festin. Les autres commencent à s'affoler, à s'agiter, elles vont à droite, à gauche, elles essaient de trouver de l'huile, elles finissent par en trouver. Mais quand elles arrivent, il est trop tard, la porte est fermée. Ce thème de la porte fermée, vous le retrouvez aussi dans de très nombreuses paraboles des sages. Il y a un temps de grâce, et là aussi, je réponds à une autre question qui m'a été posée, ça m'évitera de le faire ce soir. Dis, mais la grâce de Dieu, elle est éternelle. Par conséquent, Dieu peut-il fermer la porte? Dieu peut-il condamner à la perdition éternelle des êtres qu'il a aimés? Oui, absolument, il peut le faire. Parce que ces êtres humains qu'il a créés et qu'il a aimés, il les a créés à son image. Et par conséquent, il les a créés libres. Autrement, ce seraient des marionnettes, ce seraient des super ordinateurs programmés. Et le Seigneur n'a que faire de gens qui sont contraints de lui obéir, de gens qui sont contraints de l'aimer. L'amour, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de spontané. Et comme nous avons l'occasion de le dire, il y a un temps très particulier qui est le nôtre, où tous les choix sont possibles dans tous les sens, où nous avons la possibilité d'exercer cette liberté que le Seigneur nous a donnée, qui est un cadeau, mais qui est un cadeau redoutable, parce que liberté implique responsabilité. Nous pouvons choisir ce que nous voulons. Nous pouvons choisir de servir Dieu, de ne pas le servir. Nous pouvons choisir d'adopter l'attitude du bon serviteur ou du méchant serviteur. C'est notre liberté. Et Dieu n'interférera pas. J'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis. Je t'exhorte à choisir la vie, mais tu es libre. Si tu ne veux pas choisir la vie, tu ne choisis pas la vie, c'est ton problème. Mais je t'avertis que tu subiras les conséquences de tes choix. Et dans ce monde-ci, effectivement, jusqu'à la dernière minute de notre vie, ou jusqu'à la dernière minute avant que le Seigneur ne vienne, tous les choix restent possibles. Et c'est l'histoire du brigand sur la croix. Il a été sauvé au dernier moment, parce qu'il avait encore un souffle de vie dans ses narines. Mais il vient un moment où le maître de maison se lève et il ferme la porte. La porte fermée, c'est un thème qu'on retrouve dans les paraboles des sages. On retrouve ça à Qumran aussi. La porte est fermée, ça veut dire le temps de la grâce est passé. Et ce temps de la grâce, il peut se fermer de deux manières. Par la mort physique de chacun d'entre nous. Quand nous quittons cette vie, ce que nous le sommes pour l'éternité. Ce que nous sommes à ce moment-là, nous le sommes pour l'éternité. Les choses deviennent irréversibles, alors qu'elles le sont quand on est encore dans ce temps. Et puis aussi quand le Seigneur viendra. Le temps de la repentance, le temps de la grâce, le temps du pardon de Dieu sera terminé. Et le jugement de Dieu ne fera qu'entériner le choix que chacun aura fait pendant cette vie. Ce n'est pas Dieu qui condamne comme un gendarme, mais il dit, tu as choisi cela? Tu as choisi le chemin de la mort? Dommage pour toi. J'aurais tant voulu que ce soit autrement. J'ai fait tout mon possible pour qu'il en soit autrement. Tu as choisi cette voie-là, tu en assumes les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle le temps que nous vivons est un temps tellement important, tellement décisif, parce que l'éternité, notre éternité, dépend de ce que va être notre vie. La porte est fermée. Et ces vierges, elles arrivent trop tard. Et elles ont beau crier, taper à la porte, rien n'y fait. Jésus nous dit que même certains viendront au temps de la fin en disant, Seigneur, nous avons mangé avec toi, nous avons vécu avec toi, nous avons même fait des miracles avec toi. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parole terrible. Oui, il y a un jugement. Il y a un jugement redoutable. Il y a un jugement éternel. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour échapper à ce jugement. C'est pourquoi il vaut la peine de renoncer à tout, comme nous disions hier, être les derniers dans ce monde. C'est pourquoi il vaut la peine, si notre bras, notre main est une occasion de chute, de couper cette main, si notre œil est une occasion de chute, d'arracher cet œil. Il vaut mieux vivre dans cette vie diminuée que de passer sa vie dans la perdition éternelle. Retirez-vous, dit-il au bouc, et là je reviens à cette parabole des brebis et des boucs. Vous, les brebis, prenez possession du royaume de Dieu qui a été préparé dès l'éternité. Quant à vous, les boucs, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Maintenant, il y a un autre point qui demande à être élucidé et qui est essentiel, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que l'huile ? Nous avons vu que la différence entre les sages et les folles, c'est que les unes avaient des réserves d'huile et les autres n'en avaient pas. Qu'est-ce donc que l'huile ? C'est important de le savoir. Or, dans la parabole des vierges, Jésus ne nous le dit pas. Alors on peut se livrer à toutes sortes de spéculations et les commentateurs de cette parabole ne s'en sont pas privés. L'interprétation la plus généralement admise, c'est que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Ces vierges étaient donc remplies du Saint-Esprit, les sages, tandis que les folles ne l'étaient pas. Je ne suis pas sûr que cette interprétation soit juste. Il ne faut pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Jésus ne nous dit pas ce qu'est l'huile. Alors laissons les choses en suspens. Mais par contre, les deux autres paraboles, trois autres même, là, si on ajoute à celle-là la parabole des talents, la parabole du mauvais et du bon serviteur, la parabole des talents, la parabole des brebis et des boucs, nous éclairent. Nous avons vu qu'il y a un point commun entre ces paraboles. C'est que, de la même manière que les vierges sages étaient prêtes, de la même manière le bon serviteur était prêt. Et qu'est-ce qui faisait qu'il était prêt ? Là, ça nous est dit. Il veillait sur les intérêts de son maître. Il travaillait aux intérêts de son maître. Non pas à faire parvenir le royaume de Dieu, mais à répandre ce qui était la bonne nouvelle. Il était à l'œuvre. Il ne faisait pas passer ses intérêts avant les intérêts de son maître. La même chose pour la parabole des talents. Là aussi, il y a deux bons serviteurs et un mauvais. Là, c'est pas égal comme dans la parabole des vierges ou celle des brebis et des boucs. Et les deux premiers bons serviteurs, qui étaient aussi des serviteurs sages, ils ont veillé aux intérêts de leur maître, en ce sens qu'ils ont fait prospérer ce qui leur avait été remis et qui appartenait au maître. Le mauvais serviteur a été fou en ce que il est allé enterrer son talent, son unique talent. Alors ça nous aide à comprendre un petit peu ce qu'est l'huile. Veiller aux intérêts du maître. Maintenant, il y a la parabole des brebis et des boucs qui est aussi très intéressante à ce sujet et qu'il faut manier pourtant avec beaucoup de précaution parce qu'on a tiré de cette parabole des conclusions qui vont beaucoup trop loin, à savoir que exercer des œuvres de miséricorde vis-à-vis des plus démunis suffit à vous assurer le salut même si on n'a pas la foi en Jésus. Ça, c'est faux. La parabole des brebis et des boucs concerne le jugement au dernier jour. Et ce jugement au dernier jour, il est basé non pas sur la théologie de la croix, c'est-à-dire sur le fait que l'on ait reçu ou non le salut qui est en Jésus par le sang de la croix, mais sur ce qui peut nous paraître comme un salut par les œuvres. En fait, ici, il s'agit des nations qui ont échappé au désastre qui ont marqué la venue de Jésus et que Jésus a prophétisé dans les versets précédents. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément entendu parler de l'Évangile. Ce sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de se tourner vers le Seigneur, mais qui ont fait spontanément ce que finalement l'Évangile demande. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. On appelle ça en hébreu « boulé chassadim », les actes de justice. Et ceux qui pratiquent ces choses, on les appelle chassidé ou mota olam, c'est-à-dire les justes des nations. Qu'est-ce qu'un chassid des nations selon la tradition juive? Vous trouvez ça par exemple au Yad Vashem, l'institut qui commémore le souvenir de la Shoah. Et là, il y a dans cet institut un endroit particulier qu'on appelle l'allée des justes des nations, où un non-juif qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au péril de sa vie, a sauvé ne serait-ce qu'un seul juif, est considéré comme un juste des nations. Il est invité, aux frais du gouvernement israélien, à une visite en Israël, où il a la possibilité de planter un arbre dans cette allée des justes qui porte une plaque avec son nom, et il reçoit une médaille, la médaille des justes. Et un juste des nations, c'est effectivement quelqu'un qui, gratuitement, sans aucune arrière-pensée, notamment une pensée prosélyte, a, au péril de sa vie, sauvé un juif. Et la tradition juive, qui remonte bien avant la Deuxième Guerre mondiale, nous dit que un non-juif qui s'est comporté de cette manière-là est plus saint, est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. Et Jésus nous dit ceci, « Chaque fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, qui sont les frères de Jésus ?» Question à 1000 euros. C'est clair. Eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez-vous, cette identification de Jésus avec son peuple dont nous parlions hier, on ne peut pas couper Jésus de son peuple. Et le temps de la fin sera un temps où le peuple d'Israël sera persécuté. Et s'il y a, parmi ceux qui ne connaissent pas véritablement l'Évangile, parce que nous voyons dans la parabole des brebis et des boucs qui ne la connaissent pas, « Quand, Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» S'ils étaient des chrétiens qui connaissaient l'Évangile, ils connaîtraient cette parabole. Ils ne poseraient pas la question. C'est donc qu'ils ne la connaissent pas. Et ils vont entrer non pas dans la vie éternelle, ces justes des nations, ces brebis, mais ils vont entrer dans le royaume messianique. Ça veut dire dans le règne de 1000 ans que Jésus va inaugurer, qui sera le retour au paradis terrestre, et où, eh bien, régnera le roi Jésus, avec ceux qui seront ses élus. Maintenant, il y a une petite différence entre ces paraboles des boucs et la parabole des vierges. Les vierges, nous avons vu que c'était ces jeunes filles qui constituaient le cœur des filles de Jérusalem. Il est très intéressant de noter que dans cette parabole, il n'est pas question de l'épouse. Alors, ne cherchons pas à spéculer en disant quelle est la différence entre l'épouse et les dix vierges. Dans certaines paraboles, il est question de l'épouse. Qui est l'épouse? En parlant du mariage d'Osée, tout à l'heure, nous avons dit que l'épouse, c'est Israël. Ah, vous allez me dire, oui, mais... Et l'Église dans tout ça, alors? Pourtant, Paul nous dit d'une manière explicite, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, que l'Église est l'épouse du Seigneur. Jésus serait-il bigame? Non. Mais l'épouse de Jésus, c'est à la fois Israël et l'Église. parce qu'au temps de la fin, les deux n'en font plus qu'un. Et par conséquent, il est question de l'épouse à la fois Israël et l'Église. Maintenant, Israël et l'Église qui sont incarnés par l'épouse dans un certain nombre de paraboles sont ici incarnés par les dix vierges. Alors, il ne faut pas, voyez-vous, chercher à, dans une parabole, à essayer de faire coïncider chaque détail de la parabole avec une réalité présente. Et essayer de dire, dans telle parabole, eh bien, il est question de l'épouse, l'Église, donc ici, c'est quoi les dix vierges? Non, c'est l'Église, c'est Israël et l'Église. Ça veut dire que ce qui va marquer les hommes du temps de la fin, ça veut dire la sagesse et la folie qui fait que certains seront des brebis au temps de la fin et d'autres des boucs, est aussi quelque chose qui passera au cœur même de l'Église et au cœur même du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de commun dans ce domaine-là. Et ces dix vierges, elles incarnent par conséquent ce que sera le peuple de Dieu au temps de la fin, partagé entre les sages et les fous, partagé entre l'épouse et la prostituée, et vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. Il y a le grand tri qui se fait aussi dans l'Église, et vous trouvez ça dans les lettres aussi aux églises de l'Apocalypse. Il y a les vainqueurs, l'épouse, et il y a les apostats. Et la différence entre les unes et les autres, c'est que ici, il n'est pas question d'actes de justice, mais il est question de travailler à l'œuvre de Dieu en faisant passer l'œuvre de Dieu avant ses propres intérêts. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Heureux le serviteur que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra. Et ça, c'est la chose importante. L'épreuve de l'attente, elle est là, et Jésus nous rappelle qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, il viendra d'une manière surprenante, et qu'il s'agira d'être trouvé à l'œuvre, de faire en sorte que les intérêts du royaume de Dieu passent avant nos propres intérêts. Ça, c'est la condition pour entrer dans la salle des noces, dans ce festin des noces de l'agneau auquel ces jeunes filles étaient invitées. Et ces paraboles insistent sur deux choses. La vigilance indispensable. Vous savez, les contemporains de Jésus et même les apôtres étaient comme nous. Ils voulaient avoir des précisions sur les choses dernières. Ils auraient aimé connaître des dates. Et ils auraient, à défaut de dates, aimé avoir un certain nombre de précisions. Et nous avons le même travers. Nous faisons des chartes, des schémas sur les choses dernières. Nous avons des systèmes eschatologiques élaborés, systèmes dispensationalistes ou autres, etc. Mais comme le disait le professeur Fusser, Jésus a toujours été opposé à une eschatologie trop précise. Et quand on lui a posé des questions trop précises sur ces choses, Jésus a refusé de répondre. Et il a toujours ramené à ce qui était pour lui l'essentiel, « Veillez et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Et voilà justement ici la chose essentielle. Un voleur dans la nuit, donc soyez présent tout le temps. Et être prêt, quelqu'un posait la question aussi, c'est quoi être pauvre dans ce monde? C'est pas vivre comme un clochard. Jésus n'a jamais vécu comme un clochard. Et Paul nous donne la définition de ce qu'est cette attitude juste des pauvres en esprit. Si nous avons de quoi manger, boire, nous vêtir, et avoir un peu plus pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin, ça nous suffit. Ça, c'est justement ce que le Seigneur attend. Et jusqu'à quel point notre engagement peut-il aller dans le monde? Eh bien, peut-être que justement à ce moment-là, Matthieu 25 peut quand même nous éclairer. car même si nous ne sommes pas directement concernés par ces choses, eh bien, c'est aussi quelque chose qui nous atteint. D'abord vis-à-vis du peuple d'Israël, mais on peut l'étendre aussi à tout être humain qui souffre. Et notre engagement dans la société nous amène non pas à instaurer le royaume de Dieu par nos bonnes œuvres, mais disons à conserver le monde jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Conserver le monde pour que, jusqu'à son retour, la prédication de l'Évangile y soit possible, et pour que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que la porte soit fermée, comme pour le brigand sur la croix, il y ait des pécheurs qui puissent être sauvés. Car aussi longtemps que le Seigneur tarde, ça veut dire qu'il y a encore des possibilités de se repentir. Si ce n'était pas, alors le Seigneur reviendrait. Il reviendra quand ce sera totalement impossible. Et notre engagement dans la société humaine consiste en cela, à préserver le monde, à être le sel de la terre, ça veut dire empêcher la corruption de gagner. Elle le fera de toute manière, la corruption. Elle atteindra son paroxysme, nous en avons parlé. Mais nous pouvons la freiner, nous pouvons la retarder, comme le sel empêche et freine une corruption qui va devenir irrémédiable au bout d'un temps, mais qui peut être freinée pour un temps. Et c'est ce qui nous est demandé dans ce temps. Vous allez me dire, c'est incompatible avec cette idée de hâter le royaume de Dieu? Non, pas du tout. Ça, c'est le paradoxe de l'Évangile. Nous avons à conserver le monde pour que le maximum puisse être sauvé, mais nous avons à, par notre travail, à hâter l'avènement du royaume, par notre travail et nos prières, parce que ce sera aussi la délivrance des justes, comme nous l'avons vu. Heureux le serviteur que son maître ouvrira à l'œuvre quand il viendra, il l'établira sur tous ses biens. Et quand, dans la joie qui est la leur, les deux bons serviteurs disent « Tu m'avais donné 5 talents, je t'en rapporte 10. Tu m'avais donné 2 talents, je t'en rapporte 4. » Le maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Nos œuvres sont toujours peu de choses aux yeux de Dieu. Mais pour Dieu, c'est important. Entre dans la joie de ton maître. Puisse le Seigneur, quand il viendra, nous adresser cette parole. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous avertis que ton retour sera une surprise pour tout être humain, que tu viendras au moment où personne ne s'y attendra. Et parce qu'il en est ainsi, Seigneur, tu nous invites à être prêts en tout temps. Merci Seigneur pour ces avertissements que tu nous donnes dans ta parole au travers de ces paraboles. Et nous te prions Seigneur de répandre en nous un esprit de sagesse pour que, comprenant ces choses, nous puissions adopter la conduite juste, cette conduite des sages, et faire passer les intérêts de ton royaume avant nos propres intérêts. À chercher premièrement ton royaume et ta justice, sachant Seigneur que tu pourvoiras par-dessus de tout le reste. Seigneur, aide-nous à faire avec joie et avec vigilance ton œuvre, dans ce temps décisif qui nous est donné, avant que la porte ne soit fermée, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions aussi entrer dans ce festin des noces de l'agneau, dans la joie du Maître, au nom de Jésus. Amen.